Les Confessions, livre 12, troisième partie. L'effet des lettres de la montagne à Neuchâtel fut d'abord très paisible. J'en envoyai un exemplaire à Monsieur de Montmolin, il le reçut bien et le lut sans objection. Il était malade aussi bien que moi. Il me vint voir amicalement quand il fut rétabli et ne me parla de rien. Cependant, la rumeur commençait. On brûla le livre, je ne sais où. De Genève, de Berne et de Versailles, peut-être, le foyer de l'effervescence passa bientôt à Neuchâtel, et surtout au Val de Travers, où, avant même que la classe eût fait aucun mouvement apparent, on avait commencé d'ameuter le peuple par des pratiques souterraines. Je devais, j'ose le dire, être aimé du peuple dans ce pays-là, comme je l'ai été dans tous ceux où j'ai vécu, versant les aumônes à pleine main, ne laissant sans assistance aucun indigent autour de moi, ne refusant à personne aucun service que je puisse rendre et qui fût dans la justice, me familiarisant trop, peut-être, avec tout le monde, et me dérobant de tout mon pouvoir à toute distinction qui pût exciter la jalousie. Tout cela n'empêcha pas que la populace, soulevée secrètement je ne sais par qui, ne s'anima contre moi par degrés jusqu'à la fureur, qu'elle ne m'insulta publiquement en plein jour, non seulement dans la campagne et dans les chemins, mais en pleine rue. Ceux à qui j'avais fait le plus de bien étaient les plus acharnés. Et des gens, même à qui je continuais d'en faire, n'osant se montrer, excitaient les autres et semblaient vouloir se venger ainsi de l'humiliation de m'être obligé. Montmolin paraissait ne rien voir et ne se montrait pas encore. Mais comme on approchait d'un temps de communion, il vint chez moi pour me conseiller de m'abstenir de m'y présenter, m'assurant que du reste il ne m'en voulait point et qu'il me laisserait tranquille. Je trouvais le compliment bizarre. Il me rappelait la lettre de Madame de Boufflers, et je ne pouvais concevoir à qui donc il importait si fort que je communiasse ou non. Comme je regardais cette condescendance de ma part comme un acte de lâcheté, et que d'ailleurs je ne voulais pas donner au peuple ce nouveau prétexte de crier à l'impie, je refusai net le ministre. Et il s'en retourna mécontent, me faisant entendre que je m'en repentirais. Il ne pouvait pas m'interdire la communion de sa seule autorité. Il fallait celle du consistoire qui m'avait admis. Et tant que le consistoire n'avait rien dit, je pouvais me présenter hardiment, sans crainte de refus. Montmolin se fit donner par la classe la commission. Montmolin se fit donner par la classe la commission de me citer au consistoire pour y rendre compte de ma foi et de m'excommunier en cas de refus. Cette excommunication ne pouvait non plus se faire que par le consistoire et à la pluralité des voix. Mais les paysans, qui, sous le nom d'anciens, composaient cette assemblée, présidée et, comme on comprend bien, gouvernée par leurs ministres, ne devait pas naturellement être d'un autre avis que le sien, principalement sur des matières théologiques, qu'ils entendaient encore moins que lui. Je fus donc cité, et je résolus de comparaître. Quelle circonstance heureuse, et quel triomphe pour moi, si j'avais su parler, et que j'eusse eu, pour ainsi dire, ma plume dans ma bouche. Avec quelle supériorité, avec quelle facilité j'aurais terrassé ce pauvre ministre au milieu de ces six paysans. L'avidité de dominer ayant fait oublier au clergé protestant tous les principes de la réformation, je n'avais, pour l'y rappeler et le réduire au silence, qu'à commenter mes premières lettres de la montagne, sur lesquelles ils avaient la bêtise de m'épiloguer. Mon texte était tout fait, je n'avais qu'à l'étendre, et mon homme était confondu. Je n'aurais pas été assez sot pour me tenir sur la défensive. Il m'était aisé de devenir agresseur sans même qu'il s'en aperçût ou qu'il pût s'en garantir. Les prestolés de la classe, non moins étourdis qu'ignorants, m'avaient mis eux-mêmes dans la position la plus heureuse que j'aurais pu désirer, pour les écraser à plaisir. Mais quoi, il fallait parler, et parler sur le champ, trouver les idées, les tours, les mots au moment du besoin, avoir toujours l'esprit présent, être toujours de sang-froid, ne jamais me troubler un moment. Que pouvais-je espérer de moi, qui sentais si bien mon inaptitude à m'exprimer impromptu? J'avais été réduit au silence le plus humiliant à Genève, devant une assemblée tout en ma faveur, et déjà résolu de tout approuver. Ici, c'était tout le contraire. J'avais affaire à un tracassier qui mettait l'astuce à la place du savoir, qui me tendrait sans piège avant que j'en aperçusse un, et tout déterminé à me prendre en faute à quelque prix que ce fût. Plus j'examinais cette position, plus elle me parut périlleuse, et sentant l'impossibilité de m'en tirer avec succès, j'imaginais un autre expédient. Je méditais un discours à prononcer devant le consistoire, pour le récuser et me dispenser de répondre. La chose était très facile. J'écrivis ce discours et me mis à l'étudier par cœur avec une ardeur sans égale. Thérèse se moquait de moi en m'entendant marmotter et répéter incessamment les mêmes phrases pour tâcher de les fourrer dans ma tête. J'espérais tenir enfin mon discours. Je savais que le châtelain, comme officier du prince, assisterait au consistoire, que malgré les manœuvres et les bouteilles de mon moulin, la plupart des anciens étaient bien disposés pour moi. J'avais en ma faveur la raison, la vérité, la justice, la protection du roi, l'autorité du Conseil d'État, les vœux de tous les bons patriotes, qu'intéressait l'établissement de cette inquisition. Tout contribuait à m'encourager. La veille du jour marqué, je savais mon discours par cœur. Je le récitais sans faute. Je le remémorais toute la nuit dans ma tête. Le matin, je ne le savais plus. J'hésite à chaque mot, je me crois déjà dans l'illustre assemblée, je me trouble, je balbutie, ma tête se perd. Enfin, presque au moment d'aller, le courage me manque totalement, je reste chez moi et je prends le parti d'écrire au consistoire, en disant mes raisons à la hâte et prétextant mes incommodités, qui, véritablement dans l'état où j'étais alors, m'auraient difficilement laissé soutenir la séance entière. Le ministre, embarrassé de ma lettre, remit l'affaire à une autre séance. Dans l'intervalle, il se donna par lui-même et par ses créatures 1000 mouvements pour séduire ceux des anciens, qui, suivant les inspirations de leur conscience plutôt que les siennes, n'opinaient pas au gré de la classe et au sien. Quelque puissants que ces arguments tirés de sa cave dussent être sur ces sortes de gens, il n'en put gagner aucun autre que les 2 ou 3 qui lui étaient déjà dévoués, et qu'on appelait ses âmes damnées. L'officier du prince et le colonel de Pury, qui se porta dans cette affaire avec beaucoup de zèle, maintinrent les autres dans leur devoir, et quand ce Montmoulin voulut procéder à l'excommunication, son consistoire, à la pluralité des voix, le refusa tout à plat. Réduit alors au dernier expédient d'ameuter la populace, il se mit avec ses confrères et d'autres gens à y travailler ouvertement, et avec un tel succès que, malgré les forts et fréquents rescrits du roi, malgré tous les ordres du Conseil d'État, je fus enfin forcé de quitter le pays, pour ne pas exposer l'officier du prince à s'y faire assassiner lui-même en me défendant. Je n'ai qu'un souvenir si confus de toute cette affaire qu'il m'est impossible de mettre aucun ordre, aucune liaison dans les idées qui m'en reviennent, et que je ne les puis rendre qu'éparses et isolées, comme elles se présentent à mon esprit. Je me rappelle qu'il y avait eu avec la classe quelque espèce de négociation dont mon moulin avait été l'entremetteur. Il avait faim qu'on craignait que par mes écrits je ne troublasse le repos du pays, à qui l'on s'en prendrait de ma liberté d'écrire. Il m'avait fait entendre que si je m'engageais à quitter la plume, on serait coulant sur le passé. J'avais déjà pris cet engagement avec moi-même. Je ne balançais point à le prendre avec la classe, mais conditionnel, et seulement quant aux matières de religion. il trouva le moyen d'avoir cet écrit à double, sur quelques changements qu'il exigea. La condition ayant été rejetée par la classe, je redemandai mon écrit. Il me rendit un des doubles et garda l'autre, prétextant qu'il l'avait égaré. Après cela, le peuple, ouvertement excité par les ministres, se moqua des récrits du roi, des ordres du Conseil d'État, et ne connut plus de frein. Je fus prêché en chair, nommé l'Antéchrist, et poursuivi dans la campagne comme un loup-garou. Mon habit d'Arménien servait de renseignement à la populace. J'en sentais cruellement l'inconvénient. Mais le quitter dans ces circonstances me semblait une lâcheté. Je ne pus m'y résoudre. Et je me promenais tranquillement dans le pays avec mon cafetan et mon bonnet fourré, entouré des huées de la canaille et quelquefois de ses cailloux. Plusieurs fois, en passant devant des maisons, j'entendais dire à ceux qui les habitaient « Apportez-moi mon fusil, que je lui tire dessus !» Je n'en allais pas plus vite. Ils n'en étaient que plus furieux. Mais ils s'en tinrent toujours aux menaces, du moins pour l'article des armes à feu. Durant toute cette fermentation, je ne laissais pas d'avoir deux fort grands plaisirs auxquels je fus bien sensible. Le premier fut de pouvoir faire un acte de reconnaissance par le canal de Milord Maréchal. Tous les honnêtes gens de Neuchâtel, indignés des traitements que j'essuyais et des manœuvres dont j'étais la victime, avaient les ministres en exécration, sentant bien qu'ils suivaient des impulsions étrangères et qu'ils n'étaient que les satellites d'autres gens qui se cachaient en les faisant agir. Et craignant que mon exemple ne tirât à conséquence pour l'établissement d'une véritable inquisition. Les magistrats, et surtout M. Meuron, qui avait succédé à M. d'Hivernoy dans la charge de procureur général, faisaient tous leurs efforts pour me défendre. Le colonel de Pury, quoique simple particulier, en fit davantage et réussit mieux. Ce fut lui qui trouva le moyen de faire bouquer Montmolin dans son consistoire, en retenant les anciens dans leurs devoirs. Comme il avait du crédit, il l'employa tant qu'il put pour arrêter la sédition. Mais il n'avait que l'autorité des lois, de la justice et de la raison, à opposer à celle de l'argent et du vin. La partie n'était pas égale, et dans ce point, Montmolin triompha de lui. Cependant, sensible à ses soins et à son zèle, j'aurais voulu pouvoir lui rendre bon office pour bon office, et pouvoir m'acquitter envers lui de quelque façon. Je savais qu'il convoitait fort une place de conseiller d'État, mais s'étant mal conduit au gré de la cour dans l'affaire du ministre Petit-Pierre, il était en disgrâce auprès du prince et du gouverneur. Je risquai pourtant d'écrire en sa faveur à Milord Maréchal. J'osai même parler de l'emploi qu'il désirait, et si heureusement que, contre l'attente de tout le monde, il lui fut presque aussitôt conféré par le roi. C'est ainsi que le sort, qui m'a toujours mis en même temps trop haut et trop bas, continuait à me balloter d'une extrémité à l'autre. Et tandis que la populace me couvrait de fange, je faisais un conseiller d'État. Mon autre grand plaisir fut une visite que vint me faire Madame de Verdelin avec sa fille, qu'elle avait menée au bain de Bourbonne, d'où elle poussa jusqu'à Moitiers et logea chez moi 2 ou 3 jours. À force d'attention et de soins, elle avait enfin surmonté ma longue répugnance, et mon cœur, vaincu par ses caresses, lui rendait toute l'amitié qu'elle m'avait si longtemps témoignée. Je fus touché de ce voyage, surtout dans la circonstance où je me trouvais, et où j'avais grand besoin, pour soutenir mon courage, des consolations de l'amitié. Je craignais qu'elle ne s'affectât des insultes que je recevais de la populace, et j'aurais voulu lui en dérober le spectacle, pour ne pas contrister son cœur. Mais cela ne me fut pas possible. Et quoique sa présence contînt un peu les insolents dans nos promenades, elle en vit assez pour juger de ce qui se passait dans les autres temps. Ce fut même durant son séjour chez moi que je commençai d'être attaqué 2 nuits dans ma propre habitation. Sa femme de chambre trouva ma fenêtre couverte, un matin, des pierres qu'on y avait jetées pendant la nuit. Un banc très massif, qui était dans la rue à côté de ma porte et fortement attaché, fut détaché, enlevé et posé debout contre la porte, de sorte que, si l'on ne s'en fût aperçu, le premier qui, pour sortir, aurait ouvert la porte d'entrée, devait naturellement être assommé. Madame de Verdelin n'ignorait rien de ce qui se passait, car, outre ce qu'elle voyait elle-même, son domestique, homme de confiance, était très répandu dans le village, y accostait tout le monde, et on le vit même en conférence avec mon Molin. Cependant, elle ne parut faire aucune attention à rien de ce qui m'arrivait, ne me parla ni de mon Molin ni de personne, et répondit peu de choses à ce que je lui en dis quelquefois. Seulement, paraissant persuadée que le séjour de l'Angleterre me convenait plus qu'aucun autre, elle me parla beaucoup de M. Hume, qui était alors à Paris, de son amitié pour moi, du désir qu'il avait de m'être utile dans son pays. Il est temps de dire quelque chose de M. Hume. Il s'était acquis une grande réputation en France, et surtout parmi les encyclopédistes, par ses traités de commerce et de politique, et en dernier lieu par son histoire de la maison de Stuart, le seul de ses écrits dont j'avais lu quelque chose dans la traduction de l'abbé Prévost. Faute d'avoir lu ses autres ouvrages, j'étais persuadée, sur ce qu'on m'avait dit de lui, que M. Hume associait une âme très républicaine aux paradoxes anglais en faveur du luxe. Sur cette opinion, je regardais toute son apologie de Charles Ier comme un prodige d'impartialité, et j'avais une aussi grande idée de sa vertu que de son génie. Le désir de connaître cet homme rare et d'obtenir son amitié avait beaucoup augmenté les tentations de passer en Angleterre que me donnaient les sollicitations de Madame de Boufflers, intime amie de M. Hume. Arrivé en Suisse, j'y reçus de lui, par la voix de cette dame, une lettre extrêmement flatteuse, dans laquelle, aux plus grandes louanges sur mon génie, il joignait la pressante invitation de passer en Angleterre et l'offre de tout son crédit et de tous ses amis pour m'en rendre le séjour agréable. Je trouvais sur les lieux Milord Maréchal, le compatriote et l'ami de M. Hume, qui me confirma tout le bien que j'en pensais, et qui m'apprit même, à son sujet, une anecdote littéraire qui l'avait beaucoup frappé et qui me frappa de même. Wallace, qui avait écrit contre Hume au sujet de la population des anciens, était absent tandis qu'on imprimait son ouvrage. Hume se chargea de revoir les épreuves et de veiller à l'édition. Cette conduite était dans mon tour d'esprit. C'est ainsi que j'avais débité des copies à 6 sous pièce d'une chanson qu'on avait faite contre moi. J'avais donc toutes sortes de préjugés en faveur de Hume. Quand Madame de Verdelin vint me parler vivement de l'amitié qu'il disait avoir pour moi et de son empressement à me faire les honneurs de l'Angleterre, car c'est ainsi qu'elle s'exprimait. Elle me pressa beaucoup de profiter de ce zèle et d'écrire à M. Hume. Comme je n'avais pas naturellement de penchant pour l'Angleterre et que je ne voulais prendre ce parti qu'à l'extrémité, je refusai d'écrire et de promettre. Mais je la laissai la maîtresse de faire tout ce qu'elle jugerait à propos pour maintenir M. Hume dans ses bonnes dispositions. En quittant Mautier, elle me laissa persuader, par tout ce qu'elle m'avait dit de cet homme illustre, qu'il était de mes amis et qu'elle était encore plus de ses amis. Après son départ, mon Molin poussa ses manœuvres, et la populace ne connut plus de frein. Je continuai cependant à me promener tranquillement au milieu des huées. Et le goût de la botanique, que j'avais commencé de prendre auprès du docteur d'Hivernois, donnant un nouvel intérêt à mes promenades, me faisait parcourir le pays en herborisant, sans m'émouvoir des clameurs de toute cette canaille, dont ce sang-froid ne faisait qu'irriter la fureur. Une des choses qui m'affectèrent le plus fut de voir les familles de mes amis, ou des gens qui portaient ce nom, entrer assez ouvertement dans la ligue de mes persécuteurs. comme les d'Hivernois, sans en excepter même le père et le frère de mon Isabelle. Bois de la Tour, parent de l'ami chez qui j'étais logé, et madame Girardier, sa belle-sœur. Ce Pierre Bois était si butor, si bête, et se comporta si brutalement, que, pour ne pas me mettre en colère, je me permis de le plaisanter, et je fis, dans le goût du petit prophète, une petite brochure de quelques pages, intitulée « La vision de Pierre de la Montagne », dit « Le voyant », dans laquelle je trouvais le moyen de tirer assez plaisamment sur des miracles qui faisaient alors le grand prétexte de ma persécution. Du Pérou fit imprimer à Genève ce chiffon, qui n'eut dans le pays qu'un succès médiocre. Les Neuchâtelois, avec tout leur esprit, ne sentent guère le sel attique ni la plaisanterie, sitôt qu'elle est un peu fine. Je mis un peu plus de soin à un autre écrit du même temps, dont on trouvera le manuscrit parmi mes papiers, et dont il faut dire ici le sujet. Dans la plus grande fureur des décrets et de la persécution, les Genevois s'étaient particulièrement signalés en criant « Haro » de toute leur force, et mon ami Verne, entre autres, avec une générosité vraiment théologique, choisit précisément ce temps-là pour publier contre moi des lettres où il prétendait prouver que je n'étais pas chrétien. Ces lettres, écrites avec un ton de suffisance, n'en étaient pas meilleures, quoiqu'on assurât que le naturaliste Bonnet y avait mis la main, car le dit Bonnet, quoique matérialiste, ne laisse pas d'être d'une orthodoxie très intolérante sitôt qu'il s'agit de moi. Je ne fus assurément pas tenté de répondre à cet ouvrage, mais l'occasion s'étant présentée d'en dire un mot dans les lettres de la montagne, j'y insérai une petite note assez dédaigneuse qui mit Verne en fureur. Il remplit Genève des cris de sa rage, et d'Hivernois me marqua qu'il ne se possédait pas. Quelque temps après, parut une feuille anonyme qui semblait écrite, au lieu d'encre, avec l'eau de Phlégéton. On m'accusait dans cette lettre d'avoir exposé mes enfants dans les rues, de traîner après moi une coureuse de corps de garde, d'être usé de débauche, pourri de vérole et d'autres gentillesses semblables. Il ne me fut pas difficile de reconnaître mon homme. Ma première idée à la lecture de ce libelle fut de mettre à son vrai prix tout ce qu'on appelle renommée et réputation parmi les hommes, en voyant traiter de coureur de bordel un homme qui n'y fut de sa vie, et dont le plus grand défaut fut toujours d'être timide et honteux comme une vierge, et, en me voyant passer pour être pourri de vérole, moi qui non seulement n'eus de mes jours la moindre atteinte d'aucun mal de cette espèce, mais que des gens de l'art ont même cru conformer de manière à n'en pouvoir contracter. Tout bien pesé, je crus ne pouvoir mieux réfuter ce libelle qu'en le faisant imprimer dans la ville où j'avais vécu. Et je l'envoyai à Duchesne pour le faire imprimer, tel qu'il était, avec un avertissement où je nommai M. Verne et quelques courtes notes pour l'éclaircissement des faits. Non content d'avoir fait imprimer cette feuille, je l'envoyai à plusieurs personnes, et entre autres à M. le prince Louis de Wurtemberg, qui m'avait fait des avances très honnêtes et avec lequel j'étais alors en correspondance. Ce prince, du Pérou et d'autres, parurent douter que Verne fût l'auteur du libelle, et me blâmèrent de l'avoir nommé trop légèrement. Sur leur représentation, le scrupule me prit, et j'écrivis à Duchesne de supprimer cette feuille. Guy m'écrivit l'avoir supprimée. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je l'ai trouvé menteur en tant d'occasions, que celle-là de plus ne serait pas une merveille. Et dès lors, j'étais enveloppé de ces profondes ténèbres, à travers lesquelles il m'est impossible de pénétrer aucune sorte de vérité. Monsieur Verne supporta cette imputation avec une modération plus qu'étonnante dans un homme qui ne l'aurait pas mérité, après la fureur qu'il avait montrée auparavant. Il m'écrivit deux ou trois lettres très mesurées, dont le but parut être de tâcher de pénétrer, par mes réponses, à quel point j'étais instruit et si j'avais quelques preuves contre lui. Je lui fis deux réponses courtes, sèches, dures dans le sens, mais sans malhonnêteté dans les termes, et dont il ne se fâcha point. À sa troisième lettre, voyant qu'il voulait lier une espèce de correspondance, je ne répondis plus. Il me fit parler par Duvernoy. Madame Cramer écrivit à Dupérou qu'elle était sûre que le libelle n'était pas de Verne. Tout cela n'ébranla point ma persuasion. Mais comme enfin je pouvais me tromper, et qu'en ce cas je devais à Verne une réparation authentique, je lui fis dire par Duvernoy que je la lui ferais telle qu'il en serait content, s'il pouvait m'indiquer le véritable auteur du libelle, ou me prouver du moins qu'il ne l'était pas. Je fis plus, sentant bien qu'après tout, s'il n'était pas coupable, je n'avais pas droit d'exiger qu'il me prouvât rien. Je pris le parti d'écrire, dans un mémoire assez ample, les raisons de ma persuasion et de les soumettre au jugement d'un arbitre que Verne ne put récuser. On ne devinerait pas quel fut cet arbitre que je choisis, le Conseil de Genève. Je déclarai à la fin du mémoire que si, après l'avoir examiné et fait les perquisitions qu'il jugerait nécessaires et qu'il était bien à portée de faire avec succès, le Conseil prononçait que M. Verne n'était pas l'auteur du libelle, dès l'instant je cesserais sincèrement de croire qu'il l'est. Je partirais pour m'aller jeter à ses pieds et lui demander pardon jusqu'à ce que je l'eusse obtenu. J'ose le dire, jamais mon zèle ardent pour l'équité, jamais la droiture, la générosité de mon âme, jamais ma confiance dans cet amour de la justice, inné dans tous les cœurs, ne se montrèrent plus pleinement, plus sensiblement que dans ce sage et touchant mémoire, où je prenais sans hésiter mes plus implacables ennemis pour arbitre entre mon calomniateur et moi. Je lus cet écrit à Dupérou. Il fut d'avis de le supprimer, et je le supprimai. Il me conseilla d'attendre les preuves que Verne promettait. Je les attendis, et je les attends encore. Il me conseilla de me taire en attendant. Je me tus, et me tairai le reste de ma vie, blâmé d'avoir chargé Verne d'une imputation grave, fausse et sans preuve, quoique je reste intérieurement persuadé, convaincu, comme de ma propre existence, qu'il est l'auteur du libelle. Mon mémoire est entre les mains de M. Dupérou. Si jamais il voit le jour, on y trouvera mes raisons, et l'on y connaîtra, je l'espère, l'âme de Jean-Jacques, que mes contemporains ont si peu voulu connaître. Il est temps d'en venir à ma catastrophe de Mautier, et à mon départ du Val de Travers, après 2 ans et demi de séjour, et 8 mois d'une constance inébranlable à souffrir les plus indignes traitements. Il m'est impossible de me rappeler nettement les détails de cette désagréable époque, mais on les trouvera dans la relation qu'en publia Dupérou, et dont j'aurai à parler dans la suite. Depuis le départ de Madame de Verdelin, la fermentation devenait plus vive, et malgré les récrits réitérés du roi, malgré les ordres fréquents du Conseil d'État, malgré les soins du châtelain et des magistrats du lieu, le peuple, me regardant tout de bon comme l'Antéchrist et voyant toutes ces clameurs inutiles, parut enfin vouloir en venir aux voies de fait. Déjà dans les chemins, les cailloux commençaient à rouler auprès de moi, lancés cependant encore d'un peu trop loin pour pouvoir m'atteindre. Enfin, la nuit de la foire de Mautier, qui est au commencement de septembre, je fus attaqué dans ma demeure, de manière à mettre en danger la vie de ceux qui l'habitaient. À minuit, j'entendis un grand bruit dans la galerie qui régnait sur le derrière de la maison. Une grêle de cailloux, lancés contre la fenêtre et la porte qui donnait sur cette galerie, y tombèrent avec tant de fracas que mon chien, qui couchait dans la galerie et qui avait commencé par aboyer, se tut de frayeur et se sauva dans un coin, rongeant et grattant les planches pour tâcher de fuir. Je me lève au bruit, j'allais sortir de ma chambre pour passer dans la cuisine, quand un caillou, lancé d'une main vigoureuse, traversa la cuisine après en avoir cassé la fenêtre, vint ouvrir la porte de ma chambre et tomber au pied de mon lit, de sorte que, si je m'étais pressé d'une seconde, j'avais le caillou dans l'estomac. Je jugeai que le bruit avait été fait pour m'attirer, et le caillou lancé pour m'accueillir à ma sortie. Je saute dans la cuisine. Je trouve Thérèse qui s'était aussi levée et qui, toute tremblante, accourait à moi. Nous nous rangeons contre un mur, hors de la direction de la fenêtre, pour éviter l'atteinte des pierres et délibérer sur ce que nous avions à faire. Car sortir pour appeler du secours était le moyen de nous faire assommer. Heureusement, la servante d'un vieux bonhomme qui logeait au-dessous de moi se leva au bruit et courut après monsieur le châtelain, dont nous étions porte à porte. Il saute de son lit, prend sa robe de chambre à la hâte, et vient un instant avec la garde, qui, à cause de la foire, faisait la ronde cette nuit-là, et se trouva à sa portée. Le châtelain vit le dégât avec un tel effroi qu'il en pâlit. Et, à la vue des cailloux dont la galerie était pleine, il s'écria « Mon Dieu, c'est une carrière !» En visitant le bas, on trouva que la porte d'une petite cour avait été forcée et qu'on avait tenté de pénétrer dans la maison par la galerie. En recherchant pourquoi la garde n'avait point aperçu ou empêché le désordre, il se trouva que ceux de Mautier s'étaient obstinés à vouloir faire cette garde hors de leur rang, quoique ce fût le tour d'un autre village. Le lendemain, le châtelain envoya son rapport au Conseil d'État, qui, deux jours après, lui envoya l'ordre d'informer sur cette affaire, de promettre une récompense et le secret à ceux qui dénonceraient les coupables, et de mettre en attendant, aux frais du prince, des gardes à ma maison et à celle du châtelain qui la touchait. Le lendemain, le colonel de Pury, le procureur général Meuron, le châtelain Martinet, le receveur Guyonnet, le trésorier d'Hivernois et son père, en un mot, tout ce qu'il y avait de gens distingués dans le pays, vinrent me voir et réunir leurs sollicitations pour m'engager à céder à l'orage et à sortir au moins pour un temps d'une paroisse où je ne pouvais plus vivre en sûreté ni avec honneur. Je m'aperçus même que le châtelain, effrayé des fureurs de ce peuple forcené et craignant qu'elles ne s'étendissent jusqu'à lui, aurait été bien aise de m'en voir partir au plus vite pour n'avoir plus l'embarras de m'y protéger et pouvoir l'acquitter lui-même, comme il fit après mon départ. Je cédai donc, et même avec peu de peine, car le spectacle de la haine du peuple me causait un déchirement de cœur que je ne pouvais plus supporter. J'avais plus d'une retraite à choisir. Depuis le retour de madame de Verdelin à Paris, elle m'avait parlé dans plusieurs lettres d'un monsieur Walpole qu'elle appelait Milord, lequel, pris d'un grand zèle en ma faveur, me proposait, dans une de ses terres, un asile dont elle me faisait les descriptions les plus agréables, entrant, par rapport au logement et à la subsistance, dans des détails qui marquaient à quel point le dit Milord Walpole s'occupait avec elle de ce projet. Milord Maréchal m'avait toujours conseillé l'Angleterre ou l'Écosse, et m'y offrait un asile, aussi dans ses terres, mais il m'en offrait un qui me tentait beaucoup davantage, à Potsdam, auprès de lui. Il venait de me faire part d'un propos que le roi lui avait tenu à mon sujet et qui était une espèce d'invitation à m'y rendre. Et madame la duchesse de Saxe-Gotha comptait si bien sur ce voyage qu'elle m'écrivit pour me presser d'aller la voir en passant et de m'arrêter quelque temps auprès d'elle. Mais j'avais un tel attachement pour la Suisse que je ne pouvais me résoudre à la quitter tant qu'il me serait possible d'y vivre. Et je pris ce temps pour exécuter un projet dont j'étais occupé depuis quelques mois et dont je n'ai pu parler encore pour ne pas couper le fil de mon récit. Ce projet consistait à m'aller établir dans l'île de Saint-Pierre, domaine de l'hôpital de Berne au milieu du lac de Bienne. Dans un pèlerinage pédestre que j'avais fait l'été précédent avec Dupérou, nous avions visité cette île et j'en avais été tellement enchantée que je n'avais cessé, depuis ce temps-là, de songer aux moyens d'y faire ma demeure. Le plus grand obstacle était que l'île appartenait aux Bernois, qui, 3 ans auparavant, m'avaient vilainement chassé de chez eux. Et, outre que ma fierté pâtissait à retourner chez des gens qui m'avaient si mal reçu, j'avais lieu de craindre qu'ils ne me laissassent pas plus en repos dans cette île qu'ils n'avaient fait à Yverdun. J'avais consulté là-dessus Milord Maréchal, qui, pensant comme moi que les Bernois seraient bien aises de me voir relégué dans cette île et de m'y tenir en otage, pour les écrits que je pourrais être tenté de faire, avait fait sonder là-dessus leur disposition par un monsieur Sterler, son ancien voisin de Colombier. Monsieur Sterler s'adressa à des chefs de l'État et, sur leur réponse, assura Milord Maréchal que les Bernois, honteux de leur conduite passée, ne demandaient pas mieux que de me voir domicilié dans l'île de Saint-Pierre et de m'y laisser tranquille. Pour surcroît de précaution, avant de risquer d'y aller résider, je fis prendre de nouvelles informations par le colonel Chaillet, qui me confirma les mêmes choses. Et le receveur de l'île, ayant reçu de ses maîtres la permission de m'y loger, je crus ne rien risquer d'aller m'établir chez lui, avec l'agrément tacite tant du souverain que des propriétaires, car je ne pouvais espérer que M. de Berne reconnusse ouvertement l'injustice qu'il m'avait faite, et péchasse ainsi contre la plus inviolable maxime de tous les souverains. L'île de Saint-Pierre, appelée à Neuchâtel l'île de la Motte, au milieu du lac de Bienne, a environ une demi-lieue de Tours, mais dans ce petit espace, elle fournit toutes les principales productions nécessaires à la vie. Elle a des champs, des prés, des vergers, des bois, des vignes, et le tout, à la faveur d'un terrain varié et montagneux, forme une distribution d'autant plus agréable que ces parties, ne se découvrant pas toutes ensemble, se font valoir mutuellement et font juger l'île plus grande qu'elle n'est en effet. Une terrasse fort élevée en forme la partie occidentale, qui regarde Glérès et Bonneville. On a planté cette terrasse d'une longue allée qu'on a coupée dans son milieu par un grand salon, où, durant les vendanges, on se rassemble les dimanches de tous les rivages voisins pour danser et se réjouir. Il n'y a dans l'île qu'une seule maison, mais vaste et commode, où loge le receveur, est situé dans un enfoncement qui la tient à l'abri des vents. À 500 ou 600 pas de l'île est, du côté du sud, une autre île beaucoup plus petite, inculte et déserte, qui paraît avoir été détachée autrefois de la grande par les orages, et ne produit parmi ses graviers que des saules et des persicaires, mais où est cependant un tertre élevé, bien gazonné et très agréable. La forme de ce lac est un ovale presque régulier. Ses rives, moins riches que celles des lacs de Genève et de Neuchâtel, ne laissent pas de former une assez belle décoration, surtout dans la partie occidentale, qui est très peuplée et bordée de vignes au pied d'une chaîne de montagnes, à peu près comme à Côte-Rôtie, mais qui ne donne pas d'aussi bon vin. On y trouve, en allant du sud au nord, le bailliage de Saint-Jean, Bonneville, Bienne et Nideau, à l'extrémité du lac, le tout entremêlé de villages très agréables. Tel était l'asile que je m'étais ménagé et où je résolus d'aller m'établir en quittant le Val de Travers. Ce choix était si conforme à mon goût pacifique, à mon humeur solitaire et paresseuse, que je le compte parmi les douces rêveries dont je me suis le plus vivement passionné. Il me semblait que dans cette île, je serais plus séparé des hommes, plus à l'abri de leurs outrages, plus oublié d'eux, plus livré, en un mot, aux douceurs du désœuvrement et de la vie contemplative. J'aurais voulu être tellement confiné dans cette île que je n'eusse plus de commerce avec les mortels. et il est certain que je pris toutes les mesures imaginables pour me soustraire à la nécessité d'en entretenir. Il s'agissait de subsister, et tant par la cherté des denrées que par la difficulté des transports, la subsistance est chère dans cette île, où d'ailleurs on est à la discrétion du receveur. Cette difficulté fut levée par un arrangement que du Pérou voulut bien prendre avec moi, en se substituant à la place de la compagnie qui avait entrepris et abandonné mon édition générale. Je lui remis tous les matériaux de cette édition. J'en fis l'arrangement et la distribution, j'y joignis l'engagement de lui remettre les mémoires de ma vie, et je le fis dépositaire généralement de tous mes papiers, avec la condition expresse de n'en faire usage qu'après ma mort, ayant à cœur d'achever tranquillement ma carrière sans plus faire souvenir le public de moi. Au moyen de cela, la pension viagère qu'il se chargeait de me payer suffisait pour ma subsistance. Milord Maréchal, ayant recouvré tous ses biens, m'en avait offert une de 1 200 francs, que je n'avais acceptée qu'en la réduisant à la moitié. Il m'en voulut envoyer le capital, que je refusais, par l'embarras de le placer. Il fit passer ce capital à du Pérou, entre les mains de qui il est resté, et qui m'en paye la rente viagère sur le pied convenu avec le constituant. Joignant donc mon traité avec du Pérou, la pension de Milord Maréchal, dont les 2/3 étaient réversibles à Thérèse après ma mort, et la rente de 300 francs que j'avais sur Duchesne, je pouvais compter sur une subsistance honnête, et pour moi, et après moi pour Thérèse, à qui je laissais 700 francs de rente, tant de la pension de Ré que de celle de Milord Maréchal. Ainsi, je n'avais plus à craindre que le pain lui manquât, non plus qu'à moi. Mais il était écrit que l'honneur me forcerait de repousser toutes les ressources que la fortune et mon travail mettraient à ma portée, et que je mourrais aussi pauvre que j'ai vécu. On jugera si, à moins d'être le dernier des infâmes, j'ai pu tenir des arrangements qu'on a toujours pris soin de me rendre ignominieux, en m'ôtant avec soin toute autre ressource pour me forcer de consentir à mon déshonneur. Comment se seraient-ils doutés du parti que je prendrais dans cette alternative? Ils ont toujours jugé de mon cœur par les leurs. En repos du côté de la subsistance, j'étais sans souci de tout autre. Quoique j'abandonnasse dans le monde le champ libre à mes ennemis, je laissais dans le noble enthousiasme qui avait dicté mes écrits et dans la constante uniformité de mes principes un témoignage de mon âme qui répondait à celui que toute ma conduite rendait de mon naturel. Je n'avais pas besoin d'une autre défense contre mes calomniateurs. Ils pouvaient peindre sous mon nom un autre homme, mais ils ne pouvaient tromper que ceux qui voulaient être trompés. Je pouvais leur donner ma vie à épiloguer d'un bout à l'autre. J'étais sûr que mes fautes et mes faiblesses, à travers mon inaptitude à supporter aucun joug, on trouverait toujours un homme juste, bon, sans fiel, sans haine, sans jalousie, prompt à reconnaître ses propres torts, plus prompt à oublier ceux d'autrui, cherchant toute sa félicité dans les passions aimantes et douces, et portant en toutes choses la sincérité jusqu'à l'imprudence, jusqu'au plus incroyable désintéressement.